Le rouge et le noir, chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation Hélène Bleskin. Une réalisation de Michel Sidorov. 10e épisode. Julien a pris ses fonctions de secrétaire auprès du marquis de la Mole à Paris. Ce dernier s'attache à lui et, pour lui prouver sa confiance, l'envoie pour une mission délicate à Londres. Nous ne dirons point avec quel sentiment de haine et presque d'horreur Julien toucha le sol anglais. On connaît sa folle passion pour Bonaparte. À Londres, il connut enfin la haute fatuité. Il s'était lié avec des jeunes seigneurs russes qui l'initièrent. Vous êtes prédestiné, mon cher Sorel. Vous avez naturellement cette mine froide et à mille lieues de la sensation présente que nous cherchons tant à nous donner. Vous n'avez pas compris votre siècle. Faites toujours le contraire de ce qu'on attend de vous. Voilà d'honneur la seule religion de l'époque. Julien se couvrit de gloire un jour dans le salon du duc de Fitzfolk, qu'il avait engagé à dîner, ainsi que le prince Korazov. Julien voulut voir, malgré les plaisanteries des dandys, le célèbre Philip Vane, le seul philosophe que l'Angleterre ait eu depuis Locke. Il le trouva, achevant sa 7e année de prison. L'aristocratie ne badine pas en ce pays-ci. De plus, Vane est déshonoré, vilipendé. Voilà le seul homme gay que j'ai vu en Angleterre. L'idée la plus utile au tyran est celle de Dieu, lui avait dit Vane. À son retour à l'hôtel de la Mole, Julien se taisait. Quelle idée amusante m'apportez-vous d'Angleterre ? Primo, l'anglais le plus sage est fou une heure par jour. Il est visité par le démon du suicide qui est le dieu du pays. Segundo, l'esprit et le génie perdent 25% de leur valeur en débarquant en Angleterre. Tertio, rien au monde n'est beau, admirable, attendrissant comme les paysages anglais. Pas mal. Au reste, je parie, monsieur l'homme profond, que vous n'avez pas deviné ce que vous êtes allé faire en Angleterre. Pardonnez-moi, j'y étais pour dîner chez l'ambassadeur du roi, qui est le plus poli des hommes. Vous êtes allé chercher la croix de chevalier que voilà. Je ne veux pas vous faire quitter votre habit noir, mais je suis accoutumé au ton plus amusant que j'ai pris avec l'homme portant l'habit bleu. Jusqu'à nouvel ordre, entendez bien ceci. Quand je verrai cette croix, vous serez le fils cadet de mon ami, le duc de Ray, qui, sans s'en douter, est depuis 6 mois employé dans la diplomatie. Remarquez que je ne veux point vous sortir de votre état. C'est toujours une faute et un malheur pour le protecteur comme pour le protégé. Quand mes procès vous ennuieront, ou que vous ne me conviendrez plus, je demanderai pour vous une bonne cure, comme celle de notre ami l'abbé Pirard. Et rien de plus. Un jour que Julien revenait de la charmante terre de Villequier sur les bords de la Seine, il trouva à l'hôtel la marquise et sa fille qui arrivaient d'hier. Julien était un dandy maintenant et comprenait l'art de vivre à Paris. Il fut d'une froideur parfaite envers mademoiselle de la Mole. Elle le trouva grandi et pâli. Julien manque de légèreté, mais non pas d'esprit. Mon frère vous a demandé la croix pendant 18 mois et c'est un la Mole. Oui, mais Julien a de l'imprévu. C'est ce qui n'est jamais arrivé au la Mole dont vous me parlez. On annonça à monsieur le duc de Ray. Mathilde se sentit saisie d'un bâillement irrésistible. Et pourtant j'ai 19 ans. C'est l'âge du bonheur. Ses yeux si beaux, où respirait l'ennui le plus profond, s'arrêtèrent sur Julien qu'elle croisa. Du moins, elle n'est pas exactement comme un autre. Monsieur Sorel, venez-vous ce soir au bal de monsieur de Ray ? Mademoiselle, je n'ai pas eu l'honneur d'être présentée à monsieur le duc. Il a chargé mon frère de vous amener chez lui. Que cette grande fille me déplaît. Elle outre toutes les modes. Sa robe lui tombe des épaules Quels cheveux sans couleur à force d'être blond. On dirait que le jour passe à travers. Que de hauteur dans cette façon de saluer, dans ce regard. Quel geste de reine. Le soir, en arrivant au bal, il fut frappé de la magnificence de l'hôtel de Ré. La cour d'entrée était couverte d'une immense tente de coutil cramoisi avec des étoiles en or. Rien de plus élégant. Au-dessous de cette tente, la cour était transformée en un bois d'orangers et de lauriers roses en fleurs. Comme on avait eu soin d'enterrer suffisamment les vases, les lauriers et les orangers avaient l'air de sortir de terre. On se pressait à la porte et la foule était si grande qu'il fut impossible d'avancer. C'est la reine du bal, il faut en convenir. Mademoiselle Fourmont, qui tout l'hiver a été la plus jolie, s'aperçoit qu'elle descend à la seconde place, voit son air singulier. Mademoiselle de la Mole a l'air d'être maîtresse du plaisir que lui fait son triomphe, dont elle s'aperçoit fort bien. On dirait qu'elle craint de plaire à qui lui parle. Très bien, voilà l'art de séduire. Il y a bien de la coquetterie dans cette retenue si noble. Cet air de retenue veut dire que d'amabilité je déploierais pour vous si vous étiez l'homme digne de moi. Et qui peut être digne de la sublime Mathilde? Quelque prince souverain, beau, spirituel, bien fait, un héros à la guerre et âgé de 20 ans tout au plus. Le fils naturel de l'empereur de Russie, auquel, en faveur de ce mariage, on ferait une souveraineté. La porte de l'hôtel de Ré fut dégagée. Julien put entrer. Puisqu'elle passe pour être si remarquable, elle vaut la peine que je l'étudie. Je comprendrai quelle est la perfection pour ces gens-là. Comme il la cherchait des yeux, Mathilde le regarda. 5 ou 6 jeunes gens étaient entre elle et lui. Vous, monsieur, qui avez été ici tout l'hiver, n'est-il pas vrai que ce bal est le plus joli de la saison? Je ne saurais être bon juge, mademoiselle. Je passe ma vie à écrire. C'est le premier bal de cette magnificence que j'ai vue. Vous êtes un sage, monsieur Sorel. Vous voyez tous ces bals, toutes ces fêtes comme un philosophe, comme Jean-Jacques Rousseau. Ces folies vous étonnent sans vous séduire. Jean-Jacques Rousseau n'est à mes yeux qu'un sot lorsqu'il s'avise de juger le grand monde. Il ne le comprenait pas et y portait le cœur d'un laquais parvenu. Il a fait le contrat social. Tout en prêchant la République et le renversement des dignités monarchiques, ce parvenu est ivre de bonheur si un duc change la direction de sa promenade après dîner pour accompagner un de ses amis. Ah oui, le duc de Luxembourg à Montmorency accompagne un monsieur Coindet du côté de Paris. Mathilde avait eu un moment d'enthousiasme. La froideur de son partenaire la déconcerta profondément. Elle fut d'autant plus étonnée que c'était elle qui avait coutume de produire cet effet-là sur les autres. Dans ce moment, le marquis de Croisenois s'avançait avec empressement vers elle. Ah, voilà Croisenois qui prétend m'épouser. Il est doux, poli, il a des manières parfaites comme monsieur de Rouvray. Sans l'ennui qu'il donne, ces messieurs seraient fort aimables. Lui aussi me suivra au bal avec cet air borné et content. Un an après le mariage, ma voiture, mes chevaux, mes robes, mon château à 20 lieues de Paris. Tout cela sera aussi bien que possible. Tout à fait ce qu'il faut pour faire périr d'envie une parvenue, une comtesse de Roiville par exemple. Et après ? Mathilde s'ennuyait en espoir. Le marquis de Croisenois parvint à l'approcher et lui parlait, mais elle rêvait sans l'écouter. Elle suivait de l'œil machinalement Julien qui s'était éloigné d'un air respectueux, mais fier et mécontent. Elle aperçut dans un coin le comte Altamira, condamné à mort dans son pays. Je ne vois que la condamnation à mort qui distingue un homme. C'est la seule chose qui ne s'achète pas. Ah, c'est un bon mot que je viens de dire. La condamnation à mort est encore la seule chose que l'on ne soit pas avisé de solliciter. Connaissez-vous le comte Altamira ? Elle avait l'air de revenir de si loin, et cette question avait si peu de rapport avec tout ce que le pauvre marquis de Croisenois lui disait, que son amabilité fut déconcertée. Mathilde a de la singularité. C'est un inconvénient, mais elle donne une si belle position sociale à son mari. D'ailleurs, cette singularité peut passer pour du génie. Avec une haute naissance et beaucoup de fortune, le génie n'est pas ridicule. Et alors, quelle distinction ? Qui ne connaît ce pauvre Altamira ? Je veux voir un homme. Amenez-le-moi. Le comte Altamira était un des admirateurs de l'air hautain et presque impertinent de Mademoiselle de la Mole. Il se laissa amener sans difficulté. Mais Mathilde s'aperçut bientôt que son esprit n'avait qu'une attitude. L'utilité. L'admiration pour l'utilité. Excepté ce qui pouvait donner à son pays le gouvernement des deux chambres, le comte Altamira trouvait que rien n'était digne de son attention. Il quitta avec plaisir Mathilde parce qu'il vit entrer un général péruvien. Mathilde se trouva piquée de son départ. Elle promenait ses regards sur les jeunes Français avec ce sérieux profond qu'aucune de ses rivales ne pouvait imiter. Lequel d'entre eux pourrait se faire condamner à mort ? Une haute naissance donne 100 qualités dont l'absence m'offenserait. Je le vois par l'exemple de Julien, mais elle étiole ses qualités de l'âme qui font condamner à mort. Je suis donc prédestinée à déraisonner ce soir. Puisque je ne suis qu'une femme comme une autre, eh bien, il faut danser. Elle céda aux instances du marquis de Croisenois qui sollicitait une galope. Elle était la reine du bal. Elle le voyait, mais avec froideur. Comme le marquis la ramenait près de sa mère, la marquise de la Mole, elle pensait... Quelle vie effacée je vais passer avec un être tel que Croisenois. Quels avantages le sort ne m'a-t-il pas donné ? Illustration, fortune, jeunesse, hélas, tout excepté le bonheur. Vous avez de l'humeur ? Je vous en avertis, c'est de mauvaise grâce au bal. Je ne me sens que mal à la tête, il fait trop chaud ici. Monsieur Sorel ne vient point. Ah, il cause avec le comte Altamira, mon condamné à mort. Julien se rapprochait de la place où elle était, toujours causant avec Altamira. Oui, Danton était un homme. Oh ciel, serait-il un Danton ? Mais il a une figure si noble. Et ce Danton était si horriblement laid. Danton n'était-il pas un boucher ? Oui, aux yeux de certaines personnes. Mais malheureusement, pour les gens bien nés, il était avocat à Méry-sur-Seine, c'est-à-dire, mademoiselle, qu'il a commencé comme plusieurs pères que je vois ici. Il est vrai que Danton avait un désavantage énorme aux yeux de la beauté, il était fort laid. Julien s'éloigna avec un empressement marqué. Lui qui est réellement si beau, faire un tel éloge de la laideur, jamais de retour sur lui-même. Il n'est pas comme Quélus ou Croisenois. Ce Sorel a quelque chose de l'air que prend mon père quand il fait si bien Napoléon au bal. Ah, décidément, ce soir, je m'ennuie. Mathilde saisit le bras de son frère et le força à faire un tour dans le bal. L'idée lui vint de suivre la conversation du condamné à mort avec Julien. La foule était énorme. Elle parvint cependant à les rejoindre. Vous voyez cet homme ? C'est le prince d'Araceli, ambassadeur. Ce matin, il a demandé mon extradition à votre ministre des Affaires étrangères, monsieur de Nerval. Si l'on me rend à mon roi, je suis pendu dans les 24 heures. Et ce sera quelqu'un de ces jolis messieurs à moustache qui m'empoignera. Les infâmes. Vous êtes bien jeune. Je vous disais que j'ai une sœur mariée en Provence. Elle est heureuse. Elle l'était en 1815. Alors que j'étais caché chez elle, eh bien, au moment où elle a appris l'exécution du maréchal Ney, elle se mit à danser. Est-il possible ? T'es l'esprit de parti. Il n'y a plus de passion véritable au XIXe siècle. C'est pour cela que l'on s'ennuie tant en France. On fait les plus grandes cruautés, mais sans cruauté. Tant pis. Du moins, quand on fait des crimes, faut-il les faire avec plaisir? Ils n'ont que cela de bon. Vous avez raison. On fait tout sans plaisir et sans s'en souvenir, même les crimes. Notez que la révolution à la tête de laquelle je me suis trouvé n'a pas réussi uniquement parce que je n'ai pas voulu faire tomber trois têtes et distribuer à nos partisans 7 à 8 millions qui se trouvaient dans une caisse dont j'avais la clé. Ainsi va le monde. C'est une partie d'échec. Alors, vous ne saviez pas le jeu. Maintenant... Je ferai tomber des têtes, voulez-vous dire? Et je ne serai pas un Girondin. Je vous répondrai quand vous aurez tué un homme en duel. Ce qui encore est bien moins laid que de le faire exécuter par un bourreau. Ma foi, qui veut la fin veut les moyens. Si au lieu d'être un atome, j'avais quelques pouvoirs, je ferais pendre 3 hommes pour sauver la vie à 4. Les yeux de Julien exprimaient le feu de la conscience et le mépris des vains jugements des hommes. Ils rencontrèrent ceux de Mademoiselle de la Mole tout près de lui, et ce mépris, loin de se changer en air gracieux et civil, sembla redoubler. Elle en fut profondément choquée, mais il ne fut plus en son pouvoir d'oublier Julien. Elle s'éloigna avec dépit, entraînant son frère. Elle dansa jusqu'au jour. Mais en voiture, le peu de force qui lui restait était encore employé à la rendre triste et malheureuse. Elle avait été méprisée par Julien et ne pouvait le mépriser. Julien était au comble du bonheur, ravi à son insu par la musique, les fleurs, les belles femmes, l'élégance générale, et plus que tout par son imagination qui rêvait des distinctions pour lui et la liberté pour tous. Quel beau bal! Rien n'y manquait? Il y manquait la pensée. La voiture du comte qui ramenait Julien s'arrêta devant l'hôtel de la Mole. Julien était amoureux de son conspirateur. Vous n'avez pas la légèreté française et vous comprenez le principe d'utilité. Julien passa le reste de la nuit à lire l'histoire de la Révolution. Le lendemain, en faisant ses lettres dans la bibliothèque, Julien ne songeait encore qu'à la conversation du comte Altamira. Ses hautes pensées furent troublées par l'arrivée imprévue de Mademoiselle de la Mole. Il était tellement animé par son admiration pour les grandes qualités de Danton, de Mirabeau, de Carnot, qui ont su n'être pas vaincus, que ses yeux s'arrêtèrent sur elle sans presque la voir. Quand enfin ses grands yeux si ouverts s'aperçurent de sa présence, son regard s'éteignit. Mademoiselle de la Mole le remarqua avec amertume. Après l'avoir beaucoup regardé, elle s'en alla lentement. Julien la regardait marcher. Réellement, cette robe noire fait briller encore mieux la beauté de sa taille. Elle a un port de reine. Mais pourquoi est-elle en deuil? Évidemment, vous songez à quelque chose de bien intéressant, monsieur Sorel. N'est-ce point quelque anecdote curieuse sur la conspiration qui nous a envoyé à Paris, monsieur le comte Altamira? Dites-moi ce dont il s'agit. Je brûle de le savoir. Je serai discrète, je vous le jure. Qu'est-ce qui a pu faire de vous, ordinairement si froid, un être inspiré, une espèce de prophète de Michel-Ange? Danton a-t-il bien fait de voler? Les révolutionnaires du Piémont, de l'Espagne, devaient-ils compromettre le peuple par des crimes? Fallait-il mettre le trésor de Turin au pillage? En un mot, mademoiselle, l'homme qui veut chasser l'ignorance et le crime de la terre, doit-il passer comme la tempête et faire le mal comme au hasard? Mathilde eut peur et recula de 2 pas. Puis, honteuse de sa peur, d'un pas léger, elle sortit de la bibliothèque. Julien relut ses lettres. Quand la cloche du dîner se fit entendre, il se dit « Combien je dois avoir été ridicule aux yeux de cette poupée parisienne. Quelle folie de lui dire réellement ce à quoi je pensais. Mais peut-être folie pas si grande. La vérité dans cette occasion était digne de moi. » En arrivant dans la salle à manger, Julien fut distrait de son humeur par le grand deuil de Mademoiselle de La Mole, qui le frappa d'autant plus qu'aucune autre personne de la famille n'était en noir. Bien. On se levait de table, et Julien s'approcha de l'académicien. Je suppose que Mademoiselle de La Mole a hérité de quelconque dont elle porte le deuil. Quoi ? Vous êtes de la maison et vous ne savez pas cette folie. C'est aujourd'hui le 30 avril. Faisons un tour de jardin. Est-il possible que vous ne sachiez pas ce qui s'est passé le 30 avril 1574 ? Et où ? En place de Grève. Le plus joli garçon de son siècle, Boniface de La Mole, et Annibal de Coconasso, gentilhomme piémontais, son ami, ont eu la tête tranchée. La Mole était l'amant adoré de la reine Marguerite de Navarre. Et remarquez que Mademoiselle de La Mole s'appelle Mathilde Marguerite. La Mole était en même temps l'intime amie du roi de Navarre, depuis Henri IV, mari de sa maîtresse. Le jour du Mardi Gras de cette année 1574, la cour se trouvait à Saint-Germain avec le pauvre roi Charles IX, qui s'en allait mourant. La Mole voulut enlever les princes, ses amis, que la reine Catherine de Médicis retenait comme prisonniers à la cour. Il fit avancer 200 chevaux sous les murs de Saint-Germain. Le duc d'Alençon eut peur, et la Mole... Et la Mole fut jetée au bourreau. Mais ce qui touche Mademoiselle Mathilde, c'est une tête. Ce qui l'a frappée dans cette catastrophe politique, c'est que la reine Marguerite de Navarre, cachée dans une maison de la place de Grève, osa faire demander au bourreau la tête de son amant. Et la nuit suivante, elle alla l'enterrer dans une chapelle située au pied de la colline de Montmartre. Est-il possible ? Mademoiselle Mathilde méprise son frère parce qu'il ne songe nullement à toute cette histoire ancienne et ne prend point le deuil le 30 avril. Comment est-il possible, mon cher Sorel, que vous ignoriez ces choses ? Vous, commensal de cette maison ? C'était « Le rouge et le noir », chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation Hélène Bleskin. 10e épisode. Avec Simon Duprez, le narrateur. Damien Zanoli, Julien Sorel. Marc-Henri Boisse, le marquis de La Mole. Delphine Equet, Mathilde de La Mole. Jean-Gabriel Nordman, l'académicien. Miglen Mirtchev, le prince Korazov. Nikolai Yaroshenko, le jeune seigneur russe. Charles Gonzalez, le comte Altamira. Antonin Fadinard, le marquis de Croisenois. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Emmanuel Armingue. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Michel Sidoroff.